Au massif Myohyang, site touristique de la Corée, est construite une nouvelle route d'ascension depuis la cascade Isonam jusqu'à la cascade à 12 étapes qui conduit au pic Piron, le plus haut du Myohyang. Sur la piste, il y a des ponts qui se marient bien avec le paysage, un lieu de repos capable de recevoir des centaines de personnes et autres.